tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse Mon jumeau le robot, une série documentaire de Maëlys Besserie réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le rêve un peu mégalo de donner vie à une créature, un soupçon de Frankenstein, des restes du golem et ses vieux automates grinçants censés jouer aux échecs. Il y a la fascination pour la machine, la précision des mécanismes d'horlogerie et désormais la miniaturisation et l'électronique. Il y a aussi ces films peuplés de silhouettes métalliques ou de plastique, gracieuses ou maladroites, étincelantes ou de fer blanc, amicales ou hostiles, omniscientes ou soumises. Alors pour commencer, les personnages. Un petit robot rondouillard, un cinéphile fasciné par la figure du robot, un automate musicien, Robocop et Terminator, un robot qui lève les bras et des ingénieurs émerveillés. Ensuite le décor, des laboratoires, un musée des automates, des salles obscures, la peur d'être dépassé par sa créature, des microprocesseurs, les hypothèses de la science-fiction et les robots de Métropolis. Aujourd'hui, premier épisode, il faut faire connaissance. Démo dialogue. Bonne idée, parlons un peu. Juste une seconde. Salut, j'ai trouvé. Donne-moi une seconde. Je me prépare. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Voilà, je suis prêt. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Nao, ça va? Je suis content. Aimerais-tu me connaître un peu plus? Oui. Je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde et je mesure 60 cm. Je suis née dans les bureaux d'Aldébaran, à Paris. Tu peux me poser d'autres questions, si tu veux. Quel âge as-tu? J'aurai 9 ans cette année. Comme ça passe vite, sais-tu que je peux bouger? Essaie de me dire, lève le bras ou fais un saut périlleux, par exemple. Fais un saut périlleux. Oula, je veux bien essayer, mais je ne te promets rien. Non, ça fait trop peur. Tu veux jouer avec moi? Lève le bras. Lequel? Le bras droit. Ok, je lève le bras si tu veux. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Il est un peu comme ma grand-mère, hein. Robot, homme, homme-robot. Maëlys Besserie, Anna Schmuck. Ouais, bah voilà, ça commence déjà par la naissance du robot. Donc on entend un cœur qui bat et on voit voilà là, un robot qui se forme. Donc c'est là un peu la matrice avec toujours on voit la main d'un humain peut-être quelque part qui commence à préparer cette forme en fait. Donc voilà, ça commence tout simplement par la naissance. Ça m'inspire une nouvelle forme, en fait. C'est surtout le robot, si vous voulez, moi, c'est surtout le robot mécanique et électronique qui m'intéressait dans ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est la machine, en fait, chez le robot. Donc, c'est comment il est construit de toutes pièces et comment on essaye de le faire fonctionner. Là, Johanna Vaud, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un masque. Qu'est-ce qui lui arrive à ce robot qui est né, qu'on a créé? Il y a la matrice, la main, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, le démarrage arrive, là, vous voyez, et les paroles commencent, où le robot s'exprime en disant « je suis prêt ». Voilà, je suis prêt. Après, je sais pas, on n'y est pas encore tout à fait, mais voilà, c'est le visage. Le visage se ferme sur la mécanique, donc son apparence arrive et il dit « je suis prêt, je suis plus qu'une machine », donc on sent que voilà, il va commencer à s'animer. Donc là, on a entendu aussi la voix d'un humain qui dit « activate ». Donc il y a toujours quelque part un humain qui est là, qui est celui qui active la machine, parce que le robot, voilà, sans la main de l'homme, il ne peut pas être animé. Donc je rappelle toujours un petit peu ça, même si j'essaie de me positionner le plus possible dans le robot lui-même. L'automate, depuis l'Antiquité, depuis même l'Égypte antique, les hommes ont essayé de recréer la vie Georges Proust à travers un automate, et recréer l'homme, recréer la vie et les mouvements dans un objet. C'est une façon, une projection des créateurs d'automates dès le début. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à une forme de création artificielle du mouvement. Voilà. Ici, on est dans le musée. On est dans le musée des automates. Voilà. Et on appuie sur un bouton. Chaque automate, il y a 100 automates. On appuie sur un bouton et chaque automate se met en fonctionnement. Mais il y en a un qui est particulièrement merveilleux. C'est l'homme orchestre. Ça a été fabriqué en 1886. Et c'est un homme orchestre qui fait à la fois du bruit et il tourne une manivelle, et en même temps, sa tête bascule à droite et à gauche avec des clochettes, ce qui fait ce bruit typique. Georges Proust, dans votre musée des automates, on entend d'ailleurs plusieurs bruits d'automates. On retrouve un peu l'histoire de l'évolution, des mécanismes. Je vais les mettre en route et vous voyez. Alors, à la base, il y a souvent un moteur dans un automate et des rouages, des mécanismes. Aujourd'hui, il y a des automates électroniques où le mouvement se fait à base d'électronique, mais il y a toujours eu de la mécanique. Parce qu'un bras doit être se mouvoir par un système mécanique. Ça n'existe pas autrement. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un ensemble. J'appelle la révolte des automates. Vous voyez, en pleine nuit, quand ils se mettent en route, vous avez, par exemple, la femme zigzag. Il y a une femme qui est à l'intérieur d'une caisse et la caisse est coupée en trois et une des parties est poussée par l'automate et qui coupe la femme en trois. C'est la fameuse femme zigzag. Voilà, par exemple. Là, venez voir, ça c'est un fakir, et ici un magicien qui fait la boule zombie. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que ces automates, par rapport à ceux de la salle précédente, ils ont connu l'invention de l'électricité, ils sont branchés. Ah, voilà, ça a été l'évolution. Il y a eu les mécanismes, donc des systèmes d'horlogerie, tout ce qui est rouage, mécanisme, moteur, et ensuite il y a eu l'électricité avec. Là, par exemple, ce sont des automates électriques. C'est des moteurs qui marchent avec un moteur électrique. Et en même temps, il y a des illuminations, ce qu'il n'y avait pas dans les autres automates au début. De quelle période sont les automates précédents et ceux-ci ? Alors, ceux-là, c'est 1880 et jusqu'à à peu près tous ces automates, l'ensemble, c'est de 1850 à 1950. Voilà, à peu près un siècle. J'ai mis un siècle d'automates ici. Lesquels on pourrait qualifier d'ancêtres des robots ? Les ancêtres des robots, en fait, c'est tous les automates. Aujourd'hui, vous utilisez, pour les robots contemporains, vous utilisez les mêmes techniques que utilisait Robert Houdin, mais avec des technologies complètement différentes, de l'électronique, mais les mécaniques, pratiquement, sont les mêmes. Le mécanisme de ce bras, il peut être utilisé par un robot. Celui-ci, peut-être, c'est une main qui est entraînée par un moteur, donc qui pourrait être utilisé par un robot. Mais aujourd'hui, le robot, il est programmé, il y a de l'électronique, de l'informatique, on le programme. Donc c'est comme s'il y avait ici, on mettait dans celui-ci 1000 interrupteurs, et puis ces interrupteurs s'allument, éteignent et font et créent toutes les actions des mouvements à travers l'électronique. Vous voyez, l'électronique a simplifié les choses. Nous, on a par exemple des cams qui sont dessous, qui permettent de faire les mouvements. En électronique, ce ne sont que des impulsions. L'endroit où je me trouve. Tu peux m'arrêter à tout moment en appuyant sur ma tête. C'est parti. Si je mets ma main devant lui, il s'arrête automatiquement. Et il recule. J'aime bien me balader. Hein? Ça peut lui arriver de tomber. Donc comme nous, s'il tombe d'une surface pas trop haute, il va pouvoir être capable de se relever tout seul, quelle que soit la position dans laquelle il tombe. Là, vous voyez, il est tombé sur le dos. Il est capable de se remettre assis et de se relever. Et de reprendre là où il en était. Je continue. C'est toujours bien de se dégourdir les jambes. Comment est-ce qu'on pourrait définir justement cette ancienneté des robots ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une parenté directe entre les automates et les robots ? Il y a ceux qui disent que oui, ceux qui disent que non. Oui, ça se situe quand même dans l'histoire des objets animés, Jean-Claude Audin. Il y a complètement une filiation. Hein. Les automates anticipent beaucoup l'essor de la robotique qui est plus récente, hein, qui va vraiment se développer au début du XXe siècle. Je dirais avant le XXe siècle, on est dans l'époque des grands automates, des automates. Et le XXe siècle, c'est l'arrivée des robots. La grande différence entre un automate et un robot, c'est qu'un automate, il est programmé en quelque sorte, hein, dans la joueuse de tympanon, comme dans les automates de Jacques de Vaucanson, c'est un cylindre, un peu comme dans les boîtes à musique, qui permet, en mettant des picots, d'entraîner des cames, et donc en modifiant le cylindre, eh bien, on arrive à programmer des comportements différents, donc par exemple, dans la joueuse de tympanon, des morceaux de musique différents. Mais l'automate, il va jouer... Je dirais sur commande, on lui dit, on déclenche la musique et il va jouer indépendamment de ce qui se passe dans l'environnement. Dans le théâtre des automates. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? Alors, en fait, le théâtre des automates a été conçu comme une sorte d'écrin pour accueillir des automates datant des 18e siècle et 19e siècle. Il a été imaginé pendant la rénovation du musée pour développer un peu l'aspect spectaculaire, effectivement, de ces automates. Karine Alexandrian, au Musée des Arts et Métiers. Alors là, vous êtes en face de la joueuse de tympanon, un des grands automates du XVIIIe siècle. Donc elle a été imaginée en 1784 par l'horloger Kinzing et l'ébéniste Rodgen qui l'ont offert à la reine Marie-Antoinette. Alors cet automate, ce qu'on peut voir, c'est une poupée d'à peu près 50 cm de haut qui est assise sur un tabouret face à un tympanon. Alors le tympanon, c'est cet instrument de musique qui a la forme d'un clavecin avec 46 cordes tendues parallèlement à la joueuse. Et par le mouvement de ses marteaux, elle va être capable de jouer 8 airs de musique différents, dont un tiré de l'Armide de Gluck. Le tout est monté sur une table en acajou. Et c'est véritablement l'automate qui, par le mouvement de ses bras et la retombée des marteaux, va jouer la musique. C'est une des grandes différences avec les robots, où les robots ont des capteurs et ont accès aux informations de leur environnement. On dit qu'ils sont situés dans leur environnement. Ils ont une forme de perception. Ils ont une forme de perception, exactement. Ils ont des sens, en quelque sorte, mais extrêmement réduits, en tout cas dans les premiers robots. Et ce qui va leur permettre de réagir et d'adapter leur comportement en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. raconter ce qui se passe? Alors là, il s'agit de la séquence de Métropolis dans laquelle le savant Rot Wang crée en fait un double de la jeune fille qui s'appelle Maria. Et en fait, il est en train de créer une machination diabolique, puisque il va créer ce double robotique de cette jeune fille pour inciter, donc grâce à ce clone mécanique, les ouvriers il veut saboter la révolte des ouvriers dans la cité de Métropolis, en fait, grâce à ce robot. Et cette séquence est vraiment emblématique, puisqu'on voit le clone de Maria inerte sur un fauteuil, puis ensuite la jeune fille entourée par des éclairs, et petit à petit ce robot qui est vraiment fait de métal, qui acquiert une enveloppe de chair et qui devient la sœur jumelle de la jeune fille. Alors là, on voit la naissance du robot, du double robot. Voilà. Pascal Pinto. Tout à fait. Et du côté des coulisses, le robot avait été fait à partir d'une reproduction, enfin d'un moulage du corps de l'actrice Brigitte Helm. Et c'était un mélange en fait de bois pulvérisé. C'était de la pâte à bois qu'on utilisait pour faire cette carapace qui a l'air d'être en métal, mais qui était beaucoup plus primitive. Et donc, après avoir sculpté cette armure, on l'a fabriquée en différents morceaux qui étaient portés par l'actrice. Et c'était horriblement inconfortable à porter. Donc la pauvre comédienne qui avait à peine 17 ans à l'époque, à chaque fois qu'elle faisait l'esquisse d'un geste, elle se faisait pincer par les articulations de l'armure et elle se plaignait auprès du metteur en scène Fritz Lang en lui disant: écoutez, il y a certaines scènes dans lesquelles le robot ne bouge absolument pas. Est-ce qu'on pourrait pas simplement poser l'armure vide? Et Fritz Lang lui disait non, mais si vous n'étiez pas dans l'armure, moi je le saurais. Voilà. Au XIXe siècle, les choses vont un petit peu évoluer dans l'histoire des automates, puisqu'on va commencer à les fabriquer en série. Donc ils vont perdre un peu par rapport à la magnificence des mécanismes, mais ils vont gagner par rapport aux vêtements dont ils vont être parés, aux faces extrêmement réalistes, à leur visage extrêmement réaliste. La fabrication en série, ça veut dire que petit à petit, on va imaginer des machines-outils qui vont permettre d'estamper, de découper et de réaliser plusieurs automates d'un même modèle. Donc au XIXe siècle, on assiste à une sorte de démocratisation de l'automate, mais attention, ça reste tout de même assez confidentiel, hein, c'est la haute bourgeoisie qui peut s'offrir un automate. Beaucoup de maisons de fabrication d'automates vont être ouvertes au cours du XIXe siècle. Et il y a aussi un phénomène important à noter au XIXe siècle, c'est qu'on va commencer à fabriquer des jouets animés. Alors, les jouets automatisés, eux, marchent, sautent, courent, à la différence de ces automates qui sont présentés sur des socles. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse ? Mister Funk. Hein ? Là, il va vous faire une petite danse assez rythmée. Ah oui, ça me revient. Capable de se tenir sur un pied, d'avoir un certain équilibre. Absolument tous les membres de son corps. Pour moi, c'est vraiment la grande différence. Hein. Les automates récitent en quelque sorte ce qu'on leur a programmé. Les robots ont également des programmes. Ils sont capables de réagir à ce qui est en train de se passer dans l'environnement et de s'adapter. Jean-Claude Dain. Les robots les plus récents, ceux qu'on a aujourd'hui, eh bien on leur donne des nouvelles capacités qui sont d'apprendre. Donc être capable non seulement de réciter ce qu'on leur a programmé, mais également d'apprendre de nouveaux comportements ou de s'adapter encore mieux à une situation qui a priori n'était pas prévue. On va changer progressivement de nouvelles technologies. Et donc ça va avoir une influence très forte sur les personnes et les chercheurs qui réfléchissent à comment créer un être artificiel. Auparavant, la mécanique horlogère. Et on va passer progressivement, eh bien, à l'utilisation de l'électricité. Alors au début, et puis de la téléphonie aussi, tout ce qui va se passer au niveau de des télécommunications avec des nouvelles technologies qui vont permettre progressivement, eh bien, d'abandonner la mécanique horlogère au profit de l'électronique. Et les premiers robots vont utiliser cette nouvelle technologie, des relais ou des lampes, hein, qui marquent ce changement assez profond. Et on pourrait dire que l'avènement des robots et les premiers robots réellement autonomes, c'est la découverte, et je dirais catalysée par la découverte et la création des premiers microprocesseurs. On va pouvoir miniaturiser et mettre l'intelligence qui auparavant était en dehors du robot à l'intérieur des robots. Et donc il y a une espèce de parallèle entre l'évolution des technologies et l'histoire des robots, qui vont évidemment utiliser ces technologies pour progresser. Come with us on a ship of adventure to meet the thief of Baghdad in that ancient land of mystery, romance, thrills and excitement. Baghdad, city of magic. Baghdad, where breathtaking miracles leap before your eyes. Alors, dans Le voleur de Bagdad, dans la version qui a été réalisée en 1940 par Alexandre Korda et qui est un véritable chef-d'œuvre, d'ailleurs qu'on peut aujourd'hui retrouver et redécouvrir en Blu-ray, ce qui est un très très grand plaisir, il y a cette séquence merveilleuse où le grand vizir, le méchant grand vizir, qui connaît l'attirance du calife, qui est un bonhomme tout à fait... détaché de la réalité de l'existence de son peuple, etc. Et qui s'entoure de jouets. Et des jouets de grandeur nature, qui sont très, très sophistiqués. Et donc le méchant vizir, qui est joué par Conrad Veidt, lui offre une musicienne qui est une effigie qui ressemble à Kali, donc qui est une musicienne qui a 6 bras, et va jouer un morceau de musique, et quand le calife va s'approcher d'elle, un de ses bras va se dresser en tenant un poignard, et elle va le tuer. Et donc le grand vizir va devenir calife à la place du calife, comme notre ami Znogoud. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de robot, Pascal Pinto ? Alors là, c'est plus une espèce d'automate, enfin un automate qui accomplit un plan de son maître. Puisque au début, elle est censée juste accomplir une action répétitive, comme les automates du XVIIe ou du XVIIIe siècle, en l'occurrence jouer un morceau de musique. Et il doit y avoir un deuxième bouton quelque part, puisque là, elle est quand même capable d'attendre que le calife se jette dans ses bras pour le poignarder. On est toujours dans une créature humaine, enfin faite pour tromper l'humain, ou une créature un peu cruelle, type Frankenstein. Voilà, une créature maléfique manipulée en coulisses par son maître. Alexander Korda brings you spectacular new thrills in the miracle picture of all time, The Thief of Baghdad. Johanna Vaud, vous avez fait un film qui s'intéresse justement à la question des robots au cinéma, du robot et du cinéma. Le robot me tenait à cœur parce que c'est une figure fascinante que j'ai découvert déjà enfant au cinéma et pas seulement, aussi à travers les jouets, hein, les jouets dans les années 80. Et j'ai voulu exprimer un petit peu, à travers les images de cinéma, qu'est-ce que le robot représente d'une façon générale dans l'imaginaire collectif, en fait. C'est surtout un film de montage. C'est un montage à partir des images du 7e art. Mais avant de monter les images, j'ai créé la bande sonore. Et aussi, j'ai tiré des dialogues des films pour créer comme une chanson. En fait, j'ai voulu me mettre dans la peau d'un robot et le faire s'exprimer à travers les images. Quels sont les films que vous avez utilisés là dans ce début ? L'âge de cristal, intelligence artificielle, Alien, All is full of love, The day the earth stood still, Electroma, Elysium, Eva, Ghost in the Shell, iRobot, Metropolis, Monde Ouest. Pacific Rim, Planète Interdite, Real Steel, Robocop, Le Roi et l'Oiseau, Runaway, Silent Running, Star Wars, Terminator, Total Recall. Il y en a d'autres. Transformers, THX 1138, Woody et les robots, Wall-E et 2001, l'Odyssée de l'espace. Bien sûr, oui, évidemment. Donc voilà, le robot se redresse, pardon. Après que son visage soit, son apparence soit complète, voilà, le robot se redresse. Et là, on va commencer à le voir s'animer. Les vrais robots capables de faire différentes tâches et capables de réajuster leurs actions par rapport à de nouveaux ordres, ils sont apparus dans les années 70, fin des années 60, 1970 par là. United Planets Cruiser C57D, J.J. Adams commanding. Who are you? Morbius of the Bellerophon. Alors, dans Planète Interdite, donc évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est l'arrivée de Robbie et la manière dont il se présente à l'équipage de Terriens qui débarque sur la planète Altair 4 pour venir au secours d'une mission de colons qui a disparu pratiquement sans laisser de traces. Vous allez rencontrer un charmant caractère dans le robot, capable de produire, en ordre, 10 tonnes de lead ou un slinky evening gown. Alors le voilà, Robbie. Robbie, il est pas très mobile, hein, ce Robbie. Il marche de manière très très raide. Il est un peu fait de boîte de conserve. Il a un côté comme ça raide. Hein. Il est quand même un peu plus mobile que d'autres robots du passé. Mais surtout, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est ce qu'il est capable de faire, puisque dans le film, il est capable de produire n'importe quelle matière, de répliquer des objets qu'on lui donne, de résoudre des calculs extrêmement complexes, d'interagir sans aucun problème avec les humains. Et surtout, c'est un robot qui est très très fort, puisqu'on le voit un peu plus tard en train de porter une plaque de métal qui est censée peser plus d'une tonne, juste en le tenant au bout de son petit bras avec sa petite pince. Donc c'est un robot industriel d'une certaine manière. Il a les caractéristiques des robots industriels, de reproduire les matières. Il a en tout cas les caractéristiques de la technologie Krell, cette fameuse technologie donc de cette race extraterrestre qui a disparu de la planète Altair 4. Et donc c'est vraiment une technologie qui est tellement poussée qu'elle en devient presque magique. Mais il y a un message derrière celui de Planète Interdite, dans le récit de Planète Interdite, qui est que la technologie peut aussi être à double tranchant, puisque les Krell se sont anéantis eux-mêmes, puisqu'ils ont mis au point une technologie qui a causé leur perte en fait. 20 miles. Look down, Jeff. What are you afraid? 7,800 levels. Yet the wonders of the planet Altair 4 conceal a strange and evil force, unknown, irresistible. Ça a été une des innovations de Robbie le robot, le fait qu'il était fabriqué en partie en plastique. Et évidemment, il y avait des mécanismes intégrés, ceux qui permettaient d'animer les mécanismes de son dôme, et aussi les néons du robot quand il s'adresse aux terriens. Et la particularité de tout ça, évidemment, c'est que ça réclamait beaucoup d'électricité. Et quand on regarde bien Planète Interdite, on voit que Robbie, il a toujours un fil à la patte, en fait, parce que on devait l'alimenter en électricité constamment tout au long du tournage. Donc c'est un des premiers robots, Pascal Pinto, au cinéma, qui est une vraie machine qui marche. Qui n'est pas simplement un costume dans lequel il y a un comédien, ni une machine peinte. Alors, il y a vraiment un comédien à l'intérieur de Robbie, mais par contre, le comédien... Il y a aussi des mécanismes. Voilà, il y a des mécanismes qui font fonctionner tout ce qui est, on va dire, décoratif, c'est-à-dire sa bouche de néon, les éclairages à l'intérieur du dôme de sa tête et toutes les parties mobiles. Alors après, c'est dans l'ordre, ce sont les robots de Silent Running. Alors là, on découvre aussi qu'au fur et à mesure, il y a le panel entier des robots qui est représenté au cinéma, entre les robots à terre, les robots volants, les robots souterrains. Tout va être imaginé, avant même que, d'ailleurs, ça n'existe. Et on se demande même si les scientifiques n'ont pas fait des recherches orientées par ces représentations-là, qui ont envahi les imaginaires de tout le monde. Il y a toujours eu des ponts entre la science-fiction et la science, et quelquefois des choses assez frappantes. Je me souviens, je serais incapable de vous citer le titre exact de cette nouvelle, qu'un écrivain de science-fiction qui avait imaginé une histoire basée sur des recherches atomiques a vu débarquer chez lui le FBI, qui lui a demandé de façon assez énergique où il avait eu toutes ces informations, parce qu'il était persuadé qu'il avait eu accès à des informations top secret. Alors qu'en fait, il s'agissait bien évidemment d'un récit qu'il avait imaginé sans avoir eu vent de tout ça. Donc, là, on voit la multitude de robots. Hein, quand on commence à en construire un, s'il fonctionne, il y a tout cet aspect de robots un peu armés, la multitude. Donc, voilà, ils s'animent tous. Et donc, ensuite, j'ai donné une part au film Robocop. Alors ça, c'est vraiment un film qui m'a énormément marqué. Et notamment parce que c'est un robot, mais qui est fait à partir d'un être humain mort, en fait, décédé. Et donc, c'est un humain robotisé, et après, ça devient un robot qui s'humanise. Donc c'était ça qui était assez intéressant dans le sujet. Et c'est l'armure, c'est le robot avec son armure. Vous qui vous intéressez à la carapace métallique, la Robocop, c'est tout à fait ça. Oui, il a l'armure parce que c'est un policier, hein, c'est le super robot policier, donc il a intérêt à être solide face aux autres. Et puis c'est surtout un robot qui est à la fois fascinant et aussi très troublant parce que rien ne l'arrête, il impose l'ordre. Après, le robot, c'est toujours, il exécute toujours les ordres ou le programme que l'humain lui a insufflé. Mais ça nous met toujours face à une question qui est si on le programme autrement. Il y a toujours des questions éthiques forcément qui sortent, qui émergent. I think that there's somebody after me. I hope that you play this back soon. I need you and Matt to come and pick me up as soon as possible. The police keep transferring me around. I'm gonna give them another try. The number here is 555-9175. Call me, kiddo. I need your help. C'est de la machine à tuer, vraiment. Là, on n'est pas dans le super-héros, qui est donc forcément positif. Mais le Terminator, il est issu, en fait, d'un cauchemar de James Cameron, dans lequel il voyait un squelette chromé sortir de flammes. Et en se réveillant, il s'est dit, ça, c'est vraiment une image très puissante, très, très marquante. Il faudrait que j'écrive une histoire autour de tout ça. Et ensuite, Terminator, c'est devenu l'idée d'une machine qui prend une forme humaine, c'est-à-dire d'un squelette de métal recouvert de peau synthétique, qui est capable de se mêler à la population pour être le tueur le plus efficace du monde. Le tueur qu'on ne peut vraiment pas arrêter, qui résiste à tout, qui est plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer, etc. Incarné par ce corps, ce physique d'Arnold Schwarzenegger, voilà. Qui en lui-même est déjà un physique qui représente quelque chose comme ça d'un peu robotique. Tout à fait. On arrive dans la scène Sarah Connor. Donc c'est le moment où Terminator passe à l'action, après avoir réussi à retrouver la trace de Sarah Connor, il va entreprendre de l'éliminer au milieu d'une boîte de nuit en fait. C'était effectivement une idée très intéressante de la part de Cameron, l'idée de cette machine absolument impossible à stopper et qui est recouverte d'une enveloppe de chair, ce qui fait que si par exemple elle tombe, elle saigne, et que si on la touche, elle a vraiment un toucher chaud et non pas celui d'un bout de plastique. Et l'idée que le robot peut se cacher dans un humain ou dans une enveloppe humaine. Exactement, le robot est caché à l'intérieur d'une enveloppe de chair et donc absolument insoupçonnable. « Jacques Attali, quand on parle des robots, c'est toujours plus ou moins un rapport à l'avenir, c'est une sorte de thermomètre aussi de l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qu'on sait actuellement des robots et des grands enjeux éthiques qui concernent ces robots ? Ça s'inscrit dans un fantasme éternel de l'humanité qui est justement celui de l'immortalité, parce que le robot, c'est l'homme immortel. C'est l'homme, pas tout à fait l'homme, capable de faire des choses que l'homme, en tant que personne, homme ou femme, ne peut pas faire, et donc ça renvoie à des choses extrêmement anciennes, puisqu'on trouve des robots dans pratiquement toutes les mythologies, toutes les cosmogonies, et tout ce qu'on peut espérer du robot demain, c'est ce qu'on en a espéré dans le passé, c'est-à-dire permettre à l'homme devenu robot d'être immortel. Donc ça s'inscrit d'ailleurs dans une histoire de l'humanité où l'homme progressivement devient robot. L'homme voulant être immortel, il s'est soudain souvenu que les pierres sont immortelles et que lui ne l'est pas. Et que donc si nous étions tous des pierres, nous serions immortels. Donc comment donner la conscience dans la pierre ? C'est ça le robot. La fusion progressive du robot avec l'homme, le robot qui ressemble de plus à l'homme, l'homme qui ressemble de plus en plus à un robot, va créer les conditions de cette immortalité. Cette fusion. Cette traduction. Parce que l'homme ne veut disparaître pour devenir immortel. Il ne veut pas fusionner avec un robot, il veut l'être, donc il veut être traduit en robot. Sur la question de l'augmentation de l'homme et des capacités, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ce qui existe ? Il existe beaucoup de choses. Il existe tous les moyens qui permettent à l'homme d'être plus que lui-même, c'est-à-dire tous les moyens d'avoir accès à des prothèses de toute nature qui nous permettent d'être plus que nous-mêmes. Les prothèses. C'est les exosquelettes. Oui, tous ces robots qui nous permettent de protéger nos vies. On voit bien d'ailleurs qu'on va aller bientôt vers la vie étant si précieuse, la recherche d'immortalité étant si précieuse que l'homme ne risquera plus sa vie. Donc on combattra par robots interposés, par l'exosquelette n'étant qu'une première étape vers le fait que c'est l'exosquelette qui sera lui-même le combattant et pas quelqu'un qui sera dans l'armure. Parce que l'exosquelette, c'est rien d'autre que l'armure du Moyen-Âge ou des soldats romains. Mais ça, j'avais dit, ça existe déjà. Il y a déjà des soldats qui... Oui, ça existe depuis les Romains. C'est pas nouveau. Mais alors demain, il y aura plus de soldats à l'intérieur. Il y aura que les robots qui combattront. On aura peut-être même des drones terroristes, des drones suicides qui viendront sur nos têtes, qui sont très difficiles à combattre. Il y aura des armes de toute nature de ce genre qui vont apparaître. Des petites nanorobots, des macro-robots, les nanorobots étant particulièrement dangereux parce qu'on aura des armes qui auront la taille d'un grain de poussière. Et on verra des nuages de poussière, on croira que des nuages de poussière, c'est des nuages de robots. D'écrire ces quelques images, Pascal Pinto. Alors là, c'est la bande-annonce de Terminator 2, qui est très astucieuse, et elle aussi, enfin, née d'une idée très efficace, qui est celle de montrer la fabrication du nouveau Terminator, puisque c'est une suite. Le premier a été détruit, et donc on voit dans une usine, visiblement, tous les squelettes chromés les uns à côté des autres, et puis un des squelettes arrivé vers une espèce de moule à injection. Le squelette rentre à l'intérieur du moule, le moule se referme, on voit apparaître sur l'écran injection de tissu cybernétique, et quand le moule s'ouvre avec moult nuages de fumée autour de lui, on voit Schwarzenegger qui ouvre les yeux, et là son regard est incandescent, il devient rouge, et on sait qu'un nouveau Terminator est sur le point d'agir. Je crois qu'on était plus loin, non ? Oui, on était plus loin. Alors là, vos robots, ils se contorsionnent, hein. Oui, alors là, c'est les robots qui ne fonctionnent plus. Disons que je rappelle le bug du robot. Donc le robot qui ne comprend pas ou qui ne fonctionne pas comme on en avait prévu. Et notamment, ça s'est bien vu dans Robocop, par exemple, le premier robot qui est présenté, qui demande au personnage en face de lui de lâcher son arme, parce qu'ils font un exemple devant toute une réunion. Donc l'homme lâche son arme, c'est un robot policier, donc, et il lui répète « lâchez votre arme ». Il dit bah, « il a lâché son arme, mais comme l'arme a rebondi sur la moquette, et c'est pas comme habituellement sur du bitume, au moment où il serait dehors, par exemple, il a pas reconnu le bruit, donc pour lui, il continue à dire vous lâchez votre arme, ou alors je vous tue dans 10 secondes, voilà. » Et son truc s'arrête plus, donc il y a tout cet aspect du robot qui est, quand le programme fonctionne plus, bah, comment vous faites pour l'arrêter, ou ça peut dégénérer. Alors là, on avait le robot de Alien, qui est dans le Alien numéro 3, si je me trompe pas, qui est lorsque l'héroïne reconnecte juste la tête du cyborg, il a plus de corps, mais il arrive encore à parler. Il suffit de connecter juste une partie de lui-même. À partir du moment où on a encore accès à ses données, en fait, voilà, on peut encore dialoguer avec. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. Donc voilà, là on a ouvert le robot à un endroit pour le faire redémarrer. C'est comme une opération, une nouvelle opération. Voilà, on le répare. Là par exemple, c'est dans Alien. Vous voyez, c'est quand on connecte juste. On le fait redémarrer, on teste ses réflexes en fait. Ou alors il y a dans Intelligence Artificielle qui est... Là on voit bien. Dans Intelligence Artificielle, ça c'est assez impressionnant. C'est un petit enfant, donc robot. Et on ouvre son corps sur une table d'opération et il est vivant. Enfin, je veux dire, il est vivant dans le sens où il a les yeux ouverts. Voilà, pendant cette... Ça ressemble à une opération, ça. Et dans le film, il a les yeux ouverts, comme si on l'opérait sans anesthésie, en fait, d'une certaine façon. Donc le robot, il y a quand même un rapport comme ça qui, nous touche, mais où on comprend que il n'a pas du tout la même sensibilité que nous. I could feel it, call it, find it. Surf it, scroll it, pose it, click it. You would code it, jump, unlock it. Scratch it, change it, mail, upgrade it. Technology. Technology. À travers l'évolution justement de ces robots, on arrive petit à petit à l'idée aussi, qui est celle par exemple du transhumanisme à Silicon Valley, de l'humain augmenté, de l'immortalité, de toutes les capacités qu'on pourrait pousser à bout chez l'homme à travers les nanotechnologies. Et donc finalement, la question n'est plus tellement l'homme ou le robot, lequel des deux va survivre ou être détruit, mais plutôt le robot en nous, ce qu'on intègre d'artificiel qui vient s'additionner à notre humanité. Voilà. C'est en fait aussi l'émergence d'une nouvelle espèce, qui serait l'espèce robotique, consciente, capable de vouloir mener une vie indépendante, capable d'apprendre et tout simplement capable de se passer des humains pour évoluer. Ce qu'ils appellent les personnes électroniques, il y a des gens qui militent pour un statut légal des droits des robots. Ben c'est peut-être un petit peu tôt. On va attendre qu'ils essaient de nous tuer, qu'ils essaient de prendre notre place pour ça, parce que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à créer des intelligences artificielles totalement autonomes, qui soient vraiment... qui soient conscientes. Mais évidemment, des chercheurs comme Stephen Hawking nous mettent déjà en garde en disant que la vision catastrophique de James Cameron n'est peut-être pas... si impensable que cela, et que effectivement on pourrait se retrouver confronté à des machines plus rapides, plus ambitieuses que nous, et qui pourraient tout à fait nous dominer ou nous menacer. Là, en fait, là, je commence à imaginer une trame, c'est-à-dire que une fois qu'il est réparé, qu'il redémarre, donc il s'excuse pour dire juste un instant, il reprend un peu ses esprits, il se rend compte que tout d'un coup, il a rêvé. Donc pour moi, enfin, dans l'idée que j'avais de ce montage, c'est que d'un coup, ce robot s'exprime en disant qu'il a rêvé durant son arrêt, si vous voulez, durant le moment où il était en panne. Pendant qu'on le réparait, voilà, il se rend compte qu'il a rêvé pendant ce temps de pause. Donc le rêve, c'est un peu la naissance d'une conscience, en fait. Voilà, ce qui m'intéressait, donc après, le fait qu'il dise qu'il est rêvé, ce qui m'intéressait, c'était ce rapport au masque, c'est-à-dire à son apparence, soit on découvre en dessous le masque une mécanique, un robot, ou alors on découvre sous le masque un humain. Et il y a cette allée et venue qui est intéressante dans le thème du robot, c'est-à-dire que c'est soit l'humain qui se robotise, par exemple comme dans Electroma de Daft Punk, leur film, c'est ça, c'est vraiment une société qui se robotise, ou soit c'est le robot qui va s'humaniser. Donc on est toujours dans ces rapports là de frontières. Voilà, de frontières. Le propre de l'homme, pour moi, le sanctuaire, c'est la conscience de soi avec ce que ça implique de mortalité, de conscience de la mort. Quand disparaît la conscience de la mort, soit parce qu'on n'a plus conscience d'être mortel, comme certains animaux, soit parce qu'on nous a fait croire qu'on était immortel, à ce moment-là, on devient des robots dans le pire sens du mot, c'est-à-dire qu'on a perdu la fonction majeure de l'humanité qui est de chercher à comprendre la raison d'être de l'univers. Alors, vous voyez, ce que j'ai mis surtout de l'avant dans le montage, c'est que le robot, d'une certaine façon, quand il vient détruire, c'est souvent une ancienne forme, en fait. Il vient détruire une ancienne forme. Il y a l'idée derrière qu'il porte un nouveau monde avec lui, il vient installer quelque chose d'autre. Donc, forcément, les anciennes formes, elles sont toujours un petit peu en danger. Voilà, c'est des motifs récurrents. Quand on regarde bien avec le recul, c'est un peu ça. Alors, soit on le craint, soit... soit on l'accepte. Le grand fantasme de demain, c'est « je suis un robot ». C'est la magnifique nouvelle de Charles Matheson qui raconte « je suis une légende ». C'est celui qui est... Dans « je suis une légende », quelqu'un est dans une maison assiégée par des loups-garous qui peuvent être des robots, il se bat contre eux et puis on se rend compte à la fin qu'il l'est déjà lui-même et qu'il ne le sait pas. Voilà ce qui nous menace. In my mind, machines give me some freedom. Synthesizers give me some range. They drop me through 12-bit samplers. Electronic performers. We are electronics. Vous voyez là, le robot, il est allé tellement loin dans la destruction pour moi de l'être humain que finalement, si le robot va au bout de la destruction de l'être humain, il se détruit aussi lui-même. Pour moi, dans mon idée à moi, parce que le robot, comme il est sous la main de l'homme, s'il détruit son propre créateur, forcément, il peut plus être entretenu. Il peut voilà, plus pour être moi, enfin, réparé. Après, c'est l'idée que j'en ai. C'est l'idée que j'en ai, mais voilà, si vraiment il va au bout de ce programme, on va dire, bah, il se détruit lui-même. Et ça donne l'occasion de très belles images de cinéma, des images d'explosion très colorées. Oui, toutes les images de bataille, oui, bah oui, esthétiquement, c'est vrai que c'est beau. Hein. Donc voilà, dans Pacific Rim, je trouve qu'il y a des images absolument magnifiques. Enfin, dans tous les films, et puis mis ensemble, comme ça, j'avais envie d'un feu d'artifice un peu à la fin, qui est entre cauchemar et terreur. Et justement, les paroles, c'est « je rêvais » et en même temps, on entend « Destiny » qui vient de la guerre des étoiles, c'est Dark Vador qui dit ça. Donc on est entre le rêve et le destin. Donc il y a ce conflit, en fait, je trouve, sur ce thème du robot qui est entre le rêve et un destin qui nous paraît terrible. Un cauchemar. On ne sait pas finalement si c'est un rêve ou un cauchemar. Qu'est-ce qui va finalement aboutir ? Avec Georges Proust, Jacques Attali, Pascal Pinto, Jean-Claude Hudin, Johanna Vaud, Karine Alexandrian, Aurore Chicot, Nao et Pepper. À la prise de son, Yann Fressy. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Éric Kervran. Attaché d'émission, Marivona Bolivier. Recherche musicale, Romain Couturier. La série documentaire, Mélise Besserie, Anas Luc. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter avec 6PO, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, on ira voir les ingénieurs en robotique. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.